Oublie ta zermi, viens danser avec baby. Un verre de Red Bull pour noyer nos insomnies. Au Pimp Paradise avec une meuf d'enfer. Elles veulent des riches menteurs, pas des pauvres sincères. Sauf si démissionne ici c'est trop la folie. Tout le monde nous regarde, nous on débarque en police. Les grossistes à la table font des gofasses de bouteilles. Bitch pour toucher ton cœur, j'monte sur une montagne d'oseille. Sous alcool des fédors provoque les mecs balèzes. Le silence est d'or, alors les bitches se taisent. Nombreux comme la Chine, on te la met sans bien film. Des grands, des gros, des machines. Kidnappe tes yeux diamants, je suis en mode Bokassa. Les bleus contrôlent les michetons, eux ils sont bons qu'à ça. Un salaire sur la table, sans poser d'RTT. Mes petits arrêtent le pilon, mais peuvent pas tout cesser. Ambiance électrique, c'est une soirée branchée. Oublie que t'es triste, ma chérie, viens danser. Invasion d'Amazon, réchauffement climatique. Elle tourne autour de l'oseille, l'oseille tourne autour de ma clique.